J'avais alors 25 ans, je vivais en garçon dans mon château de Villebon. Vous savez, quand on est jeune et qu'on a des rentes et qu'on s'embête tous les soirs après dîner, on a l'œil de tous les côtés. Bientôt, je découvris une jeunesse qui était en service chez Déboulteau de Coville. Vous avez bien connu Déboulteau, vous, Blondel. Bref, elle mangeait là si bien, la gredine, que j'allais un jour trouver son maître et je lui proposais une affaire. Il me céderait sa servante et je lui vendrais ma jument noire, Cocotte, dont il avait envie depuis bientôt 2 ans. Il me tendit la main. Topez là, monsieur de Varnetot. C'était marché conclu. La petite vint au château et je conduisis moi-même à Coville ma jument que je laissai pour 300 écus. Dans les premiers temps, ça alla comme sur des roulettes. Personne ne se doutait de rien. Seulement, Rose m'aimait un peu trop pour mon goût. Cet enfant-là, voyez-vous, ce n'était pas n'importe qui. Elle devait avoir quelque chose de pas commun dans les veines. Ça venait encore de quelque fille qui aura fauté avec son maître. Bref, elle m'adorait. C'était des cajoleries, des mamours, des pinons de chien, un tas de gentillesse à me donner des réflexions. Je me disais, faut pas que ça dure, ou je me laisserai prendre. Mais on ne me prend pas facilement, moi. Je ne suis pas de ceux qu'on enjôle avec 2 baisers. Enfin, j'avais l'œil, quand elle m'annonça qu'elle était grosse. Pif, pan, c'est comme si on m'avait tiré 2 coups de fusil dans la poitrine. Et elle m'embrassait, elle riait, elle dansait, elle était folle, quoi. Je ne dis rien le premier jour. Mais la nuit, je me raisonnais. Je pensais, ça y est, mais faut parer le coup et couper le fil, il n'est que temps. Vous comprenez, j'avais mon père et ma mère à Barneville et ma sœur mariée au marquis d'Ispard, à Rollebec, à 2 lieues de Villebon. Pas moyen de blaguer. Mais comment me tirer d'affaire? Si elle quittait la maison, on se douterait de quelque chose et on jaserait. Si je la gardais, on verrait bientôt le bouquet. Et puis, je ne pouvais la lâcher comme ça. J'en parlais à mon oncle, le baron de Créteil, un vieux lapin qui en a connu plus d'une, et je lui demandai un avis. Il me répondit tranquillement. « Il faut la marier, mon garçon. » Je fis un bond. « La marier, mon oncle, mais avec qui ?» Il haussa doucement les épaules. « Avec qui tu voudras. C'est ton affaire et non la mienne. Quand on n'est pas bête, on trouve toujours. » Je réfléchis bien 8 jours à cette parole et je finis par me dire à moi-même. « Il a raison, mon oncle. »